son comme un Big Mac halal. Bibi beat bass cross caisse pour les rachel. L'algi gel el hamdawi. Technique au micro comme on ir hamdawi. Bouge tes fesses fesses, ça vient de Meknes, de fesses fesses. Wesh wesh, Panamera à Marrakech cash. C'est pas la hache, on est VIP. Même rien dans les poches, tous des PGG. Ça flop au Sadi, à la Mamounia. Je joue mon tapis, tu joues tes pumas. Les frères en cavale, Roya c'est hardcore. Arrivé à la douane, 20 euros dans le passeport. Winner, winner, winner. Évasion, chicha, cristal, cocktail au théâtre. Tapis rouge quand je débarque en Algérie. Escorte militaire, fête, place de Chaoui et de sortie. On a les clés de l'aéroport de Vetnage. Bronze à Alger, deux jours après je taille à Casa. Rouya, ça déchire d'être à Albi. La fierté dans le sang, c'est le Maghreb uni. Je suis avec Mourad, Mourad, Chrysler. Y'a des vaillants, vaillants, Jigger, Jigger. Le Maghreb, Maghreb, ferveur. Et que les touristes touchent pas à mon frère.